Personne pourra me brûler mes ailes. Je te promets ma plume et les scènes. On s'est toujours privé des autres. Personne pourra me priver du zèle. Pourtant j'ai jamais fait ça pour pas de sécurité si ça fort. Ça y est c'est reparti pour un tour. Et la vérité me laisse à croire que j'ai bien fait d'arrêter les études. J'écouterai toujours la voix dans ma tête. Je n'ai jamais songé à vendre les stufs. J'en avais pas besoin, je trouvais ça stupide. Pourtant beaucoup des miens l'ont fait. Et si je devais tout refaire, je les referais. On t'a fait pendant qu'ils ronflaient. Frère, oh, je roule toute la night jusqu'à pas d'heure. Nique sa mère. Frère, oh, je roule toute la night jusqu'à pas d'heure. Nique sa mère. Moteur gronde. Frère, oh, je roule toute la night jusqu'à pas d'heure. Nique sa mère. Toute la night jusqu'à pas d'heure. Nique sa mère. Personne voulait signer ma tronche. J'écrivais sous la drache. C'est dans la boue qu'on s'est retranché. On n'est pas dans la triche. Il paraît que le succès coûte trash. Je vois la vie comme un crash test. Espère juste qu'il sera pas trash. Je continue de charbonner. Le million d'abonnés, on l'aura pas volé. Frère, je roule. Toujours rien à côté. Pour les miens, je promets. Sommet, je fais la route dans un cabriolet. Je roule toute la nuit jusqu'à pas d'heure. Nique sa mère. Frère, je roule toute la nuit jusqu'à pas d'heure. Nique sa mère. Moteur gronde. Frère, je roule toute la nuit jusqu'à pas d'heure. Nique sa mère.